Et donc, est-ce qu'on l'entend ? C'est... Comment ça s'appelle encore ? C'est pas les grillons, hein. Cigale. Cigale. On est dans le midi. Et en face de moi, j'ai quelqu'un qui préfère pas donner son nom ni son prénom, mais ça n'a pas d'importance. Et l'idée de pourquoi on se rencontre, c'est parce qu'il est ingénieur informatique et qu'il expliquait lors d'une assemblée ici au camping du Maquis que les études qu'il faisait étaient vachement bien financées par l'aspect militaire. Bon, moi je résume, mais toi tu vas mieux le dire. Non, je tiens le truc. Pardon. Oui, voilà. Je suis pas ingénieur parce que j'ai quitté mon école bien avant d'avoir fini mon diplôme. Du coup, actuellement, j'ai pas de diplôme. Mais j'étais à Télécom Nancy, qui est une école d'informatique. Du coup, petite mine, donc l'élite des écoles d'ingénieurs françaises, quoi. Et du coup, c'était une discussion sur la guerre et l'armée, les armes, etc. Et ce que je disais, c'était toute la propagande qui était faite dans l'école qui fait que les gens ne se rendent pas compte de ce pourquoi ils vont travailler. C'était un constat que je faisais déjà dans l'école. C'est une des raisons pourquoi je suis parti. En fait, dans cette école-là, déjà beaucoup de... L'armée était très présente. Beaucoup pour les aspects de cybersécurité, mais... On les voyait à peu près toutes les deux semaines dans l'école. Ah ouais, vraiment ? En vrai, quoi ? En physique ? En physique, oui. Ils venaient soit pour des interventions, soit pour pouvoir discuter avec l'administration, etc. Ils faisaient aussi beaucoup de... On a eu des stands, on a eu des projets. Je sais que moi, j'avais visité une super base de l'armée, de l'air. Et on va avoir des sortes de week-ends, de voyages comme ça, on va avoir des projets avec eux, des projets étudiants aussi beaucoup avec l'armée. Moi j'ai beaucoup de collègues qui allaient faire leur stage d'études et de recherche en informatique avec l'armée. Mais dans quoi par exemple ? Les projets souvent ils sont confidentiels, donc moi je ne vais pas dire sur quoi c'est parce que je les savais même pas. Mais ça va être dans la création de briques logicielles sur... des missiles, sur des drones, sur... Après, en cybersécurité, je ne saurais même pas dire, quoi, parce que forcément, c'est confidentiel. Mais tes potes qui faisaient les... Enfin, tes camarades de classe, on va dire, qui faisaient les stages, après, vous en parliez pas, même entre vous ? Du contenu de ces stages ? Pas l'objet exact, non. Non. Enfin, je ne saurais pas dire après. Mais il faut préciser, on peut dire quelle école c'est ? Oui, c'est Télécom Nancy. Ok. Toi, t'es tout jeune, quoi. C'est quand que ça s'est passé, ça ? J'ai quitté mon école il y a 5 ans maintenant, je crois. Quoi, t'avais quel âge ? J'avais quel âge ? J'étais en bac plus 3, du coup, parce que c'est une école qu'on intègre après une prépa. Donc, je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Et quoi, t'as eu le temps de faire genre une année, quoi ? Ouais, c'est ça. C'est le Covid qui m'a sauvé. C'est le Covid qui m'a permis de prendre du recul sur ce qui se passait dans l'école et de me dire que oui, non, c'était pas ce monde-là dont j'avais envie, quoi. Et du coup, on parlait de l'armée, mais il y a aussi bien sûr toutes les autres entreprises, c'est-à-dire Thales, Dassault Systèmes, Safran, Orange, Airbus, ils étaient tout le temps là, ils étaient invités, ils finançaient, par exemple, ils ont financé des salles de classe un peu spéciales avec du matériel qui portait du coup le nom d'entreprise. On a des parrains de ces entreprises. Chaque année, une entreprise parraine une promo et donc va pouvoir faire organiser des week-ends avec les élèves, va pouvoir recruter de manière privilégiée. De toute façon, les ingénieurs sont recrutés avant la sortie de l'école, hein, dans ces trucs-là. Il y a des sortes de galas, de repas qui sont organisés, il y a des rencontres, il y a des tas de trucs. Et par exemple, moi, le parrain de ma promo, c'était Soprasteria, une entreprise qui a été épinglée quelques années avant pour payer bien moins les femmes que les hommes. C'est une blague. Non, non, c'est vrai. Malgré toute la RSE que pouvait faire notre école, comme quoi elle est... C'est quoi la RSE? C'est encore un bout de propagande bullshit des entreprises dans ce moment. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est à quel point elles doivent faire du bien et aider la société et se substituer presque des fois à l'État sur certains services et à quel point c'est cool, quoi. Bon, enfin, souvent, c'est juste pour avoir une belle image, en plus. Et de la thune. Et de la thune. Des subsides ou de l'État, quoi. Souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est les entreprises qui vont dire « Hey, regardez, je finance tel projet, je finance tel truc. » Genre, je sais pas, c'est les 1% pour la planète ou en fait, c'est nous qui donnons cet argent en plus. Enfin, ça n'a pas de sens. Autant qu'on nous, on les donne directement. Et l'école jouait beaucoup là-dessus, alors que derrière... derrière quoi? Bah, derrière, elle va... Elle va comment dire ? Elle fait des saloperies. Bah non, mais elle va pas critiquer Soprastaria tout en disant qu'elle est super inclusive sur la question de l'informatique et des femmes, quoi. Et quoi, toi, tu as 22 ans, tu te dis bon ben j'ai envie de faire les études d'ingé informatique. Qu'est-ce que tu te disais en tout cas, ça allait pas être comme ça parce que sinon tu serais toujours là. Mais bah, en fait, c'est une machine qui est bien plus grande. Au début, je faisais mes études jusqu'au lycée, bah, juste en suivant ce qui m'intéresse. Et puis, on m'a envoyé dans les classes préparatoires aux grandes écoles parce que bah, j'étais assez bon à l'école. Parce que j'étais assez bon à l'école. Et on m'a... Et c'est là que je pense le croc de la propagande commence et l'embrigadement un peu. Et avec des trucs du genre, vous êtes les 3% les plus dans l'élite française. Et comment dire? Et qu'on nous prépare vraiment bah, voilà, à intégrer des grandes écoles, à diriger des équipes, ce genre de choses, quoi. Et t'es flatté un peu du coup, parce que t'es un peu, t'es là-haut, t'es tout en haut, quoi. On vous flatte. Ah bah oui, c'est sûr. En fait, c'est au-delà de flatter, c'est qu'on vous prépare à penser comme ça. Et bon, il ne faut pas se leurrer. Déjà en prépa, les gens qui ont accès sont des gens issus de la bourgeoisie. Mais au-delà de ça, la prépa va sélectionner justement les gens issus de la bourgeoisie encore plus. C'est-à-dire que les gens et des gens qui n'ont pas de problème dans leur vie, j'ai envie de dire. Je n'ai pas d'autre manière de tourner ça, mais en gros, bah, quand on travaille 70 heures par semaine... Si on galère à se loger ou si on a un problème avec des papiers... Moi, j'avais une amie qui venait du Sénégal. Bah, quand elle devait aller une demi-journée à la préfecture pour refaire ses papiers, c'est irrattrapable, en fait. En prépa, c'est irrattrapable. Une demi-journée, elle est perdue et c'est peut-être un demi-point au concours qui va lui coûter 100 places et son école. Mais quoi, à ce point-là et quoi? Pourquoi? Parce que tu dois être au taquet tout le temps là. Enfin, j'essaye de comprendre le contenu des cours pour que tu puisses pas louper. C'est là que j'essaye de comprendre. Bah, les cours en prépa, en fait, ils sont extrêmement intenses. Moi, je travaillais 70 heures par semaine. Et parce que je travaillais en dehors des cours, on est largement obligé, sauf des personnes avec vraiment des capacités extraordinaires. Et en fait, c'est vraiment que le meilleur gagne, entre guillemets, mais le meilleur dans le sens du système, enfin, dans ce sens-là. Et du coup, déjà les cours, ils sont irrattrapables parce qu'il y a une telle charge de travail que si on loupe un cours, on n'aura pas le temps de bien le rattraper, de bien s'exercer à faire tous les exercices, etc. et de faire le reste, en fait. Moi, clairement, dans une semaine, je travaillais ou je me reposais. Il n'y avait pas vraiment d'entre-deux. Et le peu d'entre-deux était très nécessaire à ma santé mentale. Donc si on perd l'autre, on devient juste fou. Enfin, on devient déjà fou de base, mais c'est juste... Et tout ça pour dire que du coup, ça sélectionne vraiment des gens qui n'ont pas ou peu de problèmes dans leur vie. Moi, j'ai eu des gens en école d'ingénieur après où ils étaient... J'ai une camarade que j'ai dû aider à retirer de l'argent à un distributeur habillé. Où c'était la première fois qu'elle allait chercher des médicaments en bac plus 3. Mais du coup, c'est une personne qui était vraiment excellente dans ses études scolaires, puisqu'elle avait été chouchoutée par papa et maman, pas trop de problèmes, etc. Là où mon amie du Sénégal, bah, elle a beaucoup plus galéré. Et par exemple, les écoles d'ingénieurs, bah, maintenant, aujourd'hui, le but, c'est de sortir des cadres qui vont diriger des équipes. Donc il y a un gros décalage entre les gens que ça sort, le but. Et je veux dire, c'est des gens qui, du coup, humainement, n'ont pas énormément de bagages. Au niveau empathie, ça va être compliqué. Ils vont pas, sauf que la prépa sélectionne vraiment des gens comme ça. Donc ça, c'est une des critiques. Après, si on reprend par rapport aux aspects, on parlait de l'armée, de l'armement et pourquoi les gens s'en rendent pas compte. Bah forcément, du coup, c'est des gens qui sont plus issus de... Les gens, les étudiants, quoi, les élèves, on va dire. C'est bête, les élèves, mais... Non, les étudiants, c'est mieux. Les étudiants. Forcément, ils viennent de classe sociale où il n'y a pas une critique ni de l'État, ni de l'armée. Donc pour eux, c'est normal. Ils ont l'impression de participer à la défense du pays, etc. Ils ont été biberonnés comme quoi ils étaient dans une élite, déjà peut-être dans leur famille, mais encore plus en prépa. Là, ils arrivent à l'école d'ingénieur où il y a toutes ces entreprises qui abondent dans ce sens-là. Pour eux, ça leur semble juste normal, en fait. Et du coup, la critique est vraiment pas présente ou très peu présente. Au-delà de ça, mon école en particulier, pour les autres, je ne saurais pas dire, elle est assez détachée. Par exemple, le campus est loin de la fac et les gens vivent vraiment dans une bulle. Moi, j'étais à Nancy, mais je connais rien de Nancy. Je connais que l'école et les gens de l'école. Ce qui fait qu'il n'y a pas de, par exemple, je sais pas, de syndicat étudiant ou de choses comme ça qui pourrait apporter un peu une contestation. Et en fait, t'es baigné d'un côté dans la propagande de toutes ces entreprises-là et de l'autre, il n'y a aucune contestation qui arrive. Ça, c'est quelque chose assez, assez compliqué, quoi. Mais comment toi, t'as pris conscience que c'était pas ça que tu voulais faire, quoi? Comment c'est venu petit à petit, si t'arrivais à le raconter Qu'est-ce qui s'est passé en toi, quoi, pour pas adhérer, justement? Je pense que j'avais déjà un fond de critique. J'étais pas autant politisé à l'époque, mais j'avais presque pas lu, mais j'avais déjà un fond d'idées, on va dire, libertaires, même s'il me manquait beaucoup d'outils, en fait, à l'époque. Donc, construire travailler pour Dassault Systèmes, par exemple, et créer des missiles, ça me disait pas grand-chose. Et en même temps, c'est un projet qui, techniquement, est vachement intéressant. Mais tu savais que tu allais faire ça au début. Alors, bien, c'est une fois, je caricature, assis en classe, que tu t'es dit, mais non, c'est pas ça. Tu savais que tu allais faire ça. Non, quand je suis arrivé en prépa, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et je savais pas non plus si j'allais aller en informatique. À la base, moi, je voulais aller à la fac. Bon, faire ma prépa et aller après à la fac. Et puis, en fait, à force d'être biberonné à tout ce discours, et puis que les gens ils me disent, mais non, tu devrais faire une école d'ingénieur, je me suis dit, bon, pourquoi pas une école d'ingénieur. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire, et on les pousse dans ces études-là parce qu'ils sont bons dans leurs résultats scolaires, et puis voilà. Et puis, il y a aussi, bien sûr, très fortement la pression familiale qui vous pousse à aller sur ce genre d'études élitistes. Pourquoi ils font quoi, tes parents? Je peux dire, pas envie de répondre. Ouais, non, j'ai pas de problème. Moi, c'est marrant, j'ai mes parents séparés, mais du coup, mon père, il est prof de fac. Bon, ça joue un peu. Mais après, mon père, il a jamais été très présent dans ma vie. Et ma mère, elle est secrétaire. Mais du coup, j'ai quand même eu cette éducation bourgeoise énormément, même si du coup, très vite dans ma vie, je vivais plus du tout comme des bourgeois. Mais j'ai toujours ce bagage culturel. Et voilà. Mais qu'est-ce que je veux... Ah, je sais plus où j'en étais. Ah, désolé. Mais tu parlais de... Moi, je posais la question de comment... Tu savais que tu allais tomber dans des cours qui allaient dessiner des missiles ou préparer des missiles, ou je sais pas très bien comment on dit. Non, mais c'est là aussi qui est compliqué en informatique, c'est que une fois qu'on s'est développé, on peut développer n'importe quoi. Donc c'est extrêmement ouvert. Je ne suis pas du tout dans une école d'ingé de pyrotechnie où on sait qu'on va faire des trucs qui explosent. Là non, pas du tout. Je peux très bien développer un truc sur la santé, comme un truc comme un missile. J'aime bien comment tu dis ça. Oh non, je peux très bien... Mais c'est pas la même chose, on est d'accord. Hein. Non, c'est pas du tout la même chose. Mais... Et puis après, il y a tout ce qu'on parlait aussi des doubles usages et qui se voient vraiment. Par exemple, on va rentrer dans une école et faire un super drone qui permet au cinéma de pouvoir filmer sans que la caméra elle bouge trop, qu'elle tremble, et de faire des plans extraordinaires. Et puis en fait, la même entreprise va sortir un drone militaire juste à côté, mais sans même que nous on soit forcément très bien au courant, quoi. Ah ben c'est ça qui est énorme, quoi. Ça, c'est énorme. Donc, en fait, ils utilisent de la chair fraîche, bien éveillée, ingénieuse, pour des fois faire des projets qui sont... En même temps, ça pose plein de questions, hein, les drones, mais je veux dire, qui n'ont pas le même objectif. Ils se réapproprient le projet pour en faire des choses... militaire, quoi, c'est ça, ou d'espionnage, ou peut-être même de guerre, enfin, c'est ça. Bah oui, c'est ça le but du double usage. Après, clairement, moi, ma critique dans l'école d'ingé, c'est que les gens n'ont pas la même critique que nous, n'ont pas cette conscience-là, à quel point c'est mal, mais je veux dire, si vous faites partie de la bourgeoisie depuis tout petit, que vous, après vous êtes biberonné dans cette propagande de partout, et que oui, il n'y a pas de critique de l'État ou de la guerre, et que... Vous êtes un peu nationaliste, du coup, alors. C'est défendre le pays, c'est ça, hein. C'est exactement ça, hein. Et je veux dire, c'est la propagande qu'on avait de facto par l'armée qui était là. Et les gens, ils ont l'impression de participer à la défense. Oui, contre les méchants... Contre Poutine ou contre... Le Moyen-Orient... C'est des discours qu'on entendait vraiment, quoi, dans l'école. Après, bien sûr, il y a des gens qui vont être un peu critiques, mais cette critique-là est tellement faible par rapport au reste. Et puis il y a aussi un truc assez horrible, c'est que à force d'être dans ces milieux-là, même si vous avez une critique interne, et ben elle s'affaiblit, elle se polie, elle disparaît petit à petit. En fait, moi je suis quelqu'un qui pense vraiment que la propagande c'est très puissant et que vraiment c'est pernicieux en fait. C'est répéter un discours constamment, et ben ça vous endort ou ça vous fait changer petit à petit, et ça marche vraiment en fait. C'est aussi simple que répéter un discours constamment, quoi. Et moi, pour répondre à la question que tu posais à la base, ce qui m'a vraiment fait un choc, c'est de voir, en fait, j'avais beaucoup d'amis, plusieurs amis qui étaient en quatrième année, donc qui avaient fini l'école, mais pour qui il manquait peut-être un module ou deux, qui restaient là et qui étaient en entreprise. Et du coup, je les ai vus, on va dire, commencer un peu leur entreprise. Et c'était des gens qui étaient, on va dire, un petit peu, à peu près un peu à gauche. Mais en fait, un petit peu. J'adore comment tu dis ça. C'est des gens qui étaient quand même un petit peu à gauche avec tout ce que tu as raconté avant. Non, mais bah oui, parce qu'ils avaient, je sais pas, c'est la social-démocratie, mais c'est. Voilà. Okay. Ils n'étaient pas dans une critique de l'État, mais ils étaient peut-être dans une critique de justement la RSE, comme on disait avant, ou ce genre de choses. Mais en fait, avoir rejoint des très grosses entreprises, ben. Au fil des mois, moi, je les voyais évoluer, je les voyais se conformer, je les voyais, par exemple, s'habiller de manière super carrée, la coupe rase, le truc, le machin, la petite chemise. Et même dans leurs idées, je les voyais être... Et c'était pas radical, mais je veux dire, moins radical que ce qu'ils étaient avant. Et c'est aussi simple que ça, entre guillemets, quoi. Et puis après, un autre truc, par exemple, on parlait de la RSE, on avait un cours spécial, c'est dommage, je ne sais même plus le titre de ce cours-là, où on apprenait justement à quel point la RSE c'était bien, à quel point la Startup Nation c'était bien. Il y avait, en fait, dans notre école, elle préparait vraiment à ça. C'est soit on allait rejoindre des grandes écoles élitistes, soit on allait créer une startup. Et on avait des cours sur genre à quel point Steve Jobs et ses méthodes de management étaient géniales. Et ça, typiquement, arriver avec une contestation dans ce genre de cours, c'était quasiment impossible. Moi, j'avais essayé de citer quelques auteurs à l'époque de mon petit bagage. Comme quoi ? Moi, je me souviens, je me souviens plus de ce qu'il disait exactement, mais c'était par rapport à la pub. Et moi, à l'époque, je venais de lire Naomi Klein, No Logo. Et donc j'avais essayé d'apporter une petite contradiction là-dessus, et je m'étais bien vite fait rembarrer, j'étais bien le seul à avoir essayé de faire ça. C'est une propagande, quoi. Et le pire, c'est que on est au sein d'une école publique française, quoi. Ça veut dire quoi, ça? C'est de l'argent des gens. C'est... L'argent public. Oui, c'est de l'argent public, et puis je veux dire, c'est... Ça veut dire que, on construit un système éducatif dans le sens du capital, du grand capital, des gros. Et pour une élite, quoi. Ah bah, de toute façon. C'est drôle, de l'argent public qu'on investit dans une école pour une minorité de personnes. Mais là, de toute façon, c'est le but ultime de la prépa, c'est de construire l'élite, de construire ou de pérenniser cette élite française, quoi. Et c'est en plus, enfin, faut voir, on avait un fric de, on était très bien dotés, quoi, comparé à la aux facs dont on dépendait quand même. Bon, après, bien sûr, il y a tout le privé du coup qui nous finançait aussi, mais oui, non, c'est clair, on a cette chance en France d'avoir cette chance entre guillemets d'avoir des écoles d'ingénieurs publiques très très bonnes et très bien financées. Et, bah voilà, pour créer. Alors que on sait qu'à l'école publique justement, elle craint quoi. Il y a pas assez d'argent, ça s'écroule. Il y a plus de profs. Ils veulent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est décalé quoi. Bah juste après, je suis allé en fac et effectivement, c'était pas du tout les mêmes moyens quoi. Et oui, enfin, c'est frappant. J'ai pas de chiffres, j'ai rien, mais je veux dire, c'est vraiment frappant par les moyens. Nous, du coup, on était une école d'ingénieur en informatique. Bah, forcément, on avait plein d'ordinateurs, plein de matériel de pointe, on avait des salles de serveurs, etc., pour faire des trucs assez chouettes. Bon, bah, tous ces moyens, je n'ai jamais retrouvé à la fac comme ça. Après, dans les labos de recherche et tout, je dis pas, mais je veux dire, pas pour les études, quoi. Ça dit clairement où la société. Où le système dirige, comment elle dirige les choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle met l'argent là où elle a envie, elle. C'est dingue, ça, quoi. Non? Bah, et surtout par le système de la prépa qui sélectionne des gens des classes sociales déjà extrêmement élevées. En fait, elle dirige son argent et en plus, elle sélectionne que les gens qu'elle veut pour les amener à ces endroits-là. Ouais. Non, c'est vachement bien foutu. Et on est dans la pure reproduction d'élite en fait. Et c'est pareil, enfin, par exemple, un autre truc qu'on va entendre, c'est qu'il y a des boursiers qui vont pouvoir accéder à ces études-là. Bah, moi j'en fais partie, sauf que bah, comme je disais avant, mon père est prof de fac, j'ai le bagage culturel bourgeois à 200%. Enfin, je veux dire, je suis boursier parce que mes parents sont séparés, mais c'est pas pour autant, j'en suis pas moins issu de cette classe-là. Donc, c'est pas. C'est un faux truc en fait. Et quoi, du coup, t'as perdu des amis? Si c'était des amis, je sais pas, je lâche ça comme ça sans savoir. Hein. En partant Non, même maman. Donc t'es resté un an quoi, t'as eu l'occasion de rencontrer des autres étudiants, vous aviez des sujets de conversation, enfin t'as un petit peu expliqué hein, qu'il y avait des gens qui se radicalisaient. Dans un autre sens que toi, en fait. Toi, tu te radicalisais de l'autre côté, quoi. C'est ça aussi. Toi, pendant un an, t'as pris le temps de bien comprendre peut-être où t'étais. Et en fait, c'était pas ça que tu voulais, mais. Je suppose que t'as sympathisé aussi avec des gens là. Est-ce que t'as eu des conflits? Est-ce que ça a été des fois animé ou pas du tout? Enfin, t'as l'air de dire que non, qu'il n'y avait pas de critique. Ben, bon, après, moi, par mon caractère, je suis pas une grande gueule, donc je vais pas hurler sur tous les toits, mais ce qui est un peu dommage, je trouve. Mais je sais pas si j'ai. Enfin, j'ai pas forcément perdu des amis. J'ai pas eu trop de grands débats parce que je sentais que mon point de vue était difficilement entendable. J'ai gardé contact avec des gens et moi, je me rends bien compte à quel point ils sont de moins en moins radicales, surtout. Ça, c'est. Ouais. Et après, il y a des gens avec qui bah, je gardais contact, mais dans, enfin, moi, bien après, enfin, non, très peu après avoir quitté mon école d'ingé, je me suis très largement politisé, très largement radicalisé. Du coup. Voilà, et là, justement, c'est intéressant. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes d'option, que tu changes de vie, quoi, quelque part aussi, au fond? Bah, du coup, j'avais quitté mon école d'ingé, du coup, par choix largement politique, quoi. Ah oui, et pour finir. Juste avec ça, c'est que le truc qui m'avait fait peur tout à l'heure, c'est de voir des gens du coup qui se transformaient dans ces entreprises en les rejoignant. Et moi, je me suis dit, mais si je reste là, je vais être comme eux. Moi, je me suis vraiment vu me dire, si je reste dans cette école, eh ben, je vais avoir ce discours qui va me pénétrer petit à petit. Et puis, je vais suivre aussi le chemin habituel, c'est-à-dire je vais rester dans l'école parce que aussi la pression familiale, parce que c'est dur de changer complètement de vie. Et puis du coup, je vais faire un stage dans une grande entreprise, puis ça va bien se passer, puis le projet va être intéressant, puis je vais continuer, puis peut-être après, je vais être muté sur un autre projet, et puis voilà. Et je les ai vraiment vus ben, faire ça, quoi. Donc là, ça qui m'a décidé à arrêter. Et après, là où ça s'est décalé, c'est qu'un jour, je suis rentré dans une... Enfin, l'été même où j'ai arrêté mon école d'ingé, je suis rentré dans une librairie anarchiste et j'ai discuté avec quelqu'un et bon, bah là, c'était fini, quoi. C'était la découverte des petits outils qui me manquaient, comme le fédéralisme par le bas, quoi. Et qui était un peu une brique politique que j'avais pas réussi à concevoir par moi-même et qui me manquait pour vraiment cadrer mes idées. Et puis après, bah, j'ai commencé à lire et puis je me suis renseigné et puis j'ai commencé à militer. Et j'ai commencé à me radicaliser. Et c'est là aussi, je trouve qu'il y a un gros décalage par rapport aux gens que je pouvais fréquenter avant. Et, enfin, je les fréquente toujours, mais je veux dire, effectivement, politiquement, maintenant, on est complètement décalé. Et il y a un grand bout du discours qui serait presque pas entendable, tu vois, aujourd'hui, par ces gens-là. Mais ne serait-ce qu'apporter une... Enfin, oui, la contradiction par rapport à l'État, ça va être quelque chose d'assez bizarre à apporter, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire, la contradiction par rapport à l'État ? Bah, enfin, bon, moi, je pense pas qu'un État soit nécessaire. Enfin, voilà. Et du coup, la critique de l'État en tant que la seule entité qui devrait organiser notre vie, quoi, c'est pas entendable directement comme ça. Après, il y a des choses qui peuvent être entendables. Je sais pas, une démocratie un peu plus démocratie. Mais voilà. Et ça, c'est... Enfin, une des problématiques, je sais pas, sur le féminisme, c'est pareil, sur... Je pense que la seule lutte qui marche, enfin, qui arrive à pénétrer ces milieux, c'est les luttes écologiques. Et c'est là aussi, on a eu beaucoup de gens qui sont partis d'école d'ingé, justement, par rapport à ces luttes-là. Et là-dessus, on va avoir une contradiction, on va avoir des gens qui critiquent, et même en école d'ingé, en informatique. Mais par exemple, un truc horrible, nous, on avait un... J'étais dans il y a des clubs étudiants, quoi, au sein des écoles qui sont souvent assez importants. Et moi, j'en étais un qui faisait beaucoup d'éducation populaire pour les vieux par rapport à ces questions-là, etc. Et d'autres questions sociales, un peu, voilà. Mais on a eu un autre club qui s'est créé, mais qui s'est créé en mode... pas Startup Nation, mais bon. Genre en mode... Ils voulaient faire de la... Comment on appelle ça ? Quand on va dans un pays loin pour leur apprendre un peu à vivre et les aider en dépensant énormément de fric alors qu'on pourrait juste simplement leur envoyer ces moyens-là plutôt qu'y aller, ça apporte pas grand-chose. Et donc voilà, eux, ils voulaient se payer un billet d'avion, quoi. Et, sauf que bah, du coup, ils nous ont un peu piqué la moitié de ce qu'on faisait pour pouvoir se payer leur billet d'avion. Enfin, c'est ce genre de radicalité-là qu'on va trouver, quoi. Enfin, genre, c'est... En fait, ils sont tellement habitués à être dans le système capitaliste et genre pour eux c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, ils le font, quoi. Enfin, c'est la pure application de ce qu'on leur apprend et de ce qu'on leur inculque. Mais quoi, c'est quoi l'idée écologiste dans laquelle ils seraient prêts à se bouger? C'est ça que tu dis, hein? Tu dis dans ces milieux il n'y a pas grand chose pour laquelle ils sont prêts à bouger politiquement, on va dire, sauf si on dit écologie. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas ouf, mais tu sais, dans la transition écologique, t'as plein de trucs sur, genre, je sais pas, des nouveaux moyens de transport, de l'optimisation des transports par des logiciels, etc. C'est du capitalisme vert, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Oui, ils rentrent dans la machine du capitalisme vert, quoi, qu'on veut vendre à monsieur, madame, tout le monde. À 200%, mais ils se disent que c'est vachement bien, et là, ils sont prêts à, comment dire... Enfin, là tu as une critique une critique très très molle, mais je veux dire, tu as une critique de comment dire, ils sentent écolo, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, parce qu'ils adhèrent à ça, alors ils disent, attends, nous on fait des choses pour sauver la planète, pour changer le monde, c'est ça. Voilà, c'est ça. Dans quelle direction on pourrait aller? T'as une idée, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant, du coup, alors? Ah, bah ouais, moi, j'ai raté, par contre. Je suis retourné en informatique. Mais là, maintenant, j'essaye d'en ressortir encore. Mais j'ai fini par arriver à être développeur, sans diplôme, sans rien, parce que j'étais assez autonome, assez autodidacte. Bon, je fais un truc qui... Dans mon monde idéal, ça n'existerait pas, quoi. Quoi, ça? C'est un logiciel pour d'autres entreprises de gestion RH. Bon. Ben, la gestion RH, je sais pas. Ça... J'y connais rien, moi, donc j'essaie de comprendre ce que tu dis. Quoi. Ça veut dire quoi, un logiciel qui gère les GRH? C'est, tu peux, grâce à cette application-là, déposer des absences, créer des plannings. On se voit plus et on fait tout par informatique, quoi. Je sais pas à quel point on se voit plus. Je sais que pour l'avoir appliqué vraiment, sur certains trucs, c'est peut-être des fois plus facile de déposer une absence sur un logiciel que d'aller voir son patron et lui demander est-ce que je peux vraiment le faire. Ça dépend vraiment du rapport humain qu'on a avec la personne, etc. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Enfin, ouais, c'est critiquable, hein. C'est largement critiquable aussi. Oui, parce que tu continues, toi, à étudier l'informatique, quoi. À être développeur, quoi. Tu continues ça, mais quoi, pour une bonne cause, alors. C'est ça qui a changé. Bah non, là, je suis pas dans une bonne cause du tout. Je me retrouve pas du tout dans ce que je fais. C'est purement alimentaire. C'est ça que je dis que c'est un peu un échec, parce que enfin, j'ai quitté mon école, mais après, je me suis pas retrouvé à l'asso système non plus. Mais bah voilà. Oui, ok, tu t'es critique par rapport à ça, alors. Ah bah, 200%. Ah voilà, parce que je comprenais pas. Je me dis, ah oui, ok, tu continues, en fait, à être ingénieur informatique, à développer, mais là, tu vois, j'avais du mal à comprendre. Oui, là, c'est purement alimentaire. Oui, c'est purement alimentaire. C'est que je me suis retrouvé à un moment dans un pays où la vie était trop chère et qu'il me fallait un boulot et que j'avais ces compétences-là. Après, entre-temps, j'avais pas refait d'informatique comme ça ou j'avais fait des projets par rapport à moi-même et pas... pas au capitaliste, qui était des projets artistiques et qui était en informatique, mais artistique, et dans lequel je me suis beaucoup épanoui, mais qui ne rapportait pas de soupe pour pouvoir manger. et donc, à un moment, j'ai pris le choix de redevenir, enfin, de faire développeur salarié, comme ça, quoi. Mais non, mon but, là, c'est de changer de métier, d'aller dans les travaux du bois et dans les prochaines années, et d'être plus épanoui et d'arrêter tout ça, quoi. On dirait que que t'es addict, tu es là, tu vois, je vais arrêter de boire. Ben oui, oui, c'est ça, t'as fait des études qui rapportent quand même plus d'argent que l'associatif ou bien l'artistique, quoi, pareil, ouais, c'est clair. Et quoi, t'as vraiment envie d'apprendre ça, le bois, quoi. Ouais, la menuiserie, la charpente, la menuiserie, j'en fais déjà un peu, et la charpente, j'aimerais beaucoup apprendre. Et puis c'est des métiers, voilà, qui allient aussi... j'aime pas cette séparation, mais le travail des mains et le travail du cerveau, quoi. Et là, ce qui me manque cruellement dans mon travail aussi, il y a plein d'autres dimensions. Voilà. Et puis qui ont plus de sens aussi, qui ont une sens dans la durée, c'est-à-dire que quand on fait un logiciel et puis qu'au bout de 5 ans, le truc est périmé, et puis c'est pas palpable. Bon, je pouvais trouver du sens à certains moments, puisque j'ai fait des logiciels pour des administrations publiques et on voyait vraiment l'utilité concrète des choses, mais... N'empêche que dans 5 ans, à chaque fois, il n'y en aura plus. Alors que quand on construit une maison en bois, dans 10 ans, 15 ans, 100 ans, elle est encore là. Quoi. Mmh. C'est quand même plus de sens. Ouais. Ben oui, mais ça rejoint un peu cette idée d'avoir... Je ne sais pas s'il y a quelques années, tu vois, ça avait fait le buzz sur le réseau de plusieurs ingénieurs agronomes qui avaient dit « Nous, on ne veut pas servir le capital, donc on va élever des chèvres, faire du fromage. » Tu te souviens de ça? Ouais. Mais ces mouvements-là, c'est marrant. Moi, je les ai découverts après avoir quitté mon école. J'avais quelques années après. Et justement, en vrai, à l'époque, c'est un peu le regret que j'ai par rapport à ça, c'est de ne pas avoir fait de bruit, pas avoir émis la critique au sein de mon école. Et, en même temps. Ouais, en même temps que partir, quoi, ou avant. Enfin, en étant dedans, quoi. Parce que justement, c'est des gens qui n'ont pas accès à cette critique-là, en fait. Ils sont tellement biberonnés de l'autre propagande. Et ils n'ont pas accès à d'autres discours que ils continuent. Ouais, ou en tout cas, ils n'ont pas envie de se poser des questions, quoi. C'est surtout ça aussi qu'on peut se dire, parce qu'aujourd'hui, tu peux trouver l'information. Tu peux quand même, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux chercher une information autre, ou t'intéresser un peu, ou te poser des questions, c'est parce qu'ils n'ont pas trop envie de se poser. Ou alors, ils sont tellement idéologisés dans le sens inverse que, alors là, ça crée du débat aussi, de la confrontation, mais. Pour moi, c'est pas du tout une question de. Ils ont pas envie de se poser. Je pense que c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Je pense qu'on est beaucoup plus faible que ça en tant qu'humain, en fait. Quand on est bercé dans un discours et qu'on pense dans ce discours-là, il y a aucune raison d'aller chercher ailleurs. Genre, dans le sens, l'idée va pas nous popper à l'intérieur de notre tête, sauf des esprits très curieux et, on va dire, rares. Oui, mais normalement, on est curieux à la base, non? Bah, on est curieux, oui, mais dans notre bulle de connaissances. Enfin, je veux dire, même dans nos milieux militants, etc., souvent, je sais pas, on va aller chercher des thèses qui vont dans notre sens. On va rarement essayer de lire toutes les thèses politiques des autres courants et des autres... Et aussi parce qu'on n'y a pas accès, aussi parce qu'on ne sait pas forcément quoi chercher, aussi pourquoi... Enfin, et non, je pense qu'ils se posent des questions, mais quand ils se posent des questions, ils les posent à leurs amis qui ont le même rapport qu'eux parce qu'ils sont dans la même bulle, enfin, ou à leur famille qui est aussi dans la même classe, dans la même bulle. Et ça... Ouais, non, c'est... Je pense qu'ils se posent des questions, mais ils se répondent entre eux à leurs propres questions, donc... Et toi, je crois que j'ai déjà posé au début, t'as fait comment, toi, alors? Bah, comme je disais, je sais pas exactement pourquoi j'étais déjà en décalage de tout ça. Je pense que mon frère était déjà anarchiste à l'époque, et du coup, je pense que c'était un peu un filet de sécurité, genre d'avoir un point de vue divergent. Et même si je le voyais pas beaucoup, du coup, puisque bah, entre la prépa et l'école d'ingé. Et je pense qu'en vrai, ça tient à peu près à ça, hein. Ça tient vraiment à pas grand chose. Et ça, et puis bah, ces idées justement qui m'avaient déjà inculqué, je pense, étant adolescent, de liberté, d'un peu d'être critique par rapport à l'État, par rapport au capital. Et je pense que c'était toujours en tâche de fond, en arrière-fond dans ma tête, quoi. Et ça m'a un peu sauvé. Et puis surtout, ce que je disais, c'était le Covid, la pause du Covid qui m'a forcé à prendre un recul. Parce que sinon, clairement, j'aurais continué l'école, tout t'aurait embrayé, quoi. Et j'aurais été fini, quoi. Je serais rentré dans le système, et puis peut-être 25 ans après, j'aurais fait une crise existentielle, je me serais demandé qu'est-ce que je ferais là, et pourquoi j'aurais fait des drones 15 ans de ma vie, et puis j'aurais changé, mais ce serait devenu 15 ans après, quoi. Ouais, c'est intéressant de comprendre que ouais, on peut changer en fond. Mais toi, t'as l'air de dire, ben non, tes collègues, les autres étudiants, et en même temps, je sais pas, hein, je pose la question comme ça, en même temps, en live. Mais si, on a droit à changer de point de vue, on a droit à s'être trompé, ou à pas avoir vu certaines choses. Une vie, c'est jamais toute tracée comme ça, quoi, tu vois. Donc j'imagine que les étudiants qui étaient en classe avec toi, ben on espère que. Ouais, bah peut-être. Ouais, tu vois, je réfléchis tout haut. On espère qu'il y ait des chemins de traverse qui font qu'à un moment donné, vous prenez une baffe ou bien vous trébuchez et vous regardez les choses autrement, quoi. Tu vois, même l'état du monde, à un moment donné, je sais pas, ça pose des questions et tout ça, quoi. À ces gens, à tes anciens collègues, étudiants. Mais pour moi, justement, la grosse question là-dessus, c'est d'arriver à leur apporter un discours divergent de ce qu'ils entendent, quoi. Et un discours qui soit, suffisamment radical, mais en même temps entendable par eux. Parce que des fois, quand on est... C'est toujours la question, parce que quand on est trop dans une radicalité, ça peut juste pas être entendable. Mais ouais, bien sûr qu'on peut changer, bien sûr qu'on peut se rendre compte. C'est juste... faut avoir un élément déclencheur. Enfin, pas un élément déclencheur, je veux dire, mais il faut avoir... des éléments déclencheurs, des prises de conscience, de voir les choses d'une manière différente à un moment, quoi. Et il faut créer ça, quoi. Et là, actuellement, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai connu à l'époque, même, tu vois, je me sentais pas du tout écouté quand j'essayais d'amener une critique. Donc, je l'ai fait, mais je l'ai très peu fait. Et t'as abandonné? Ouais, bah ouais. Mmh. Et je suis parti. Mais... C'est compliqué, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça viendra pas d'eux-mêmes. Ça peut pas venir d'eux-mêmes. Enfin, justement, c'est ça que je dis. On n'en sait rien, ça. On n'a pas l'air. On n'en sait rien, profondément. Bah, non, dans le sens où. Je veux dire, c'est pas on se réveille un matin et puis on a une nouvelle idée. Elle sera toujours inspirée de soit un événement extérieur, genre par exemple, je sais pas, une crise climatique un peu plus vénère un été qu'un autre, ou n'importe quoi, mais peut-être un article dans un journal ou quelque chose. Ah mais oui, je veux dire... dans ce sens-là que tu appelles extérieur, oui, c'est bah oui, oui, la vie elle est remplie de intérieur, extérieur, oui. Mais ouais, c'est une expérience quoi, qui leur fera changer. Mais tant qu'ils resteront dans cette expérience-là, bah, changeront pas et ils se rendront pas compte, et c'est normal. Enfin, en fait, pour moi, c'est presque logique et normal qu'ils se rendent pas compte, mais c'est horrible. C'est un point de vue assez déterministe, mais ouais, je vois. Ouais, mais je comprends mieux ce que tu veux dire. Enfin, bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait encore d'intéressant à dire sur tout ça? 6 mois, un an, 6 mois d'école, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Ça passe vite en plus. Et c'était l'année du Covid. C'est pas... Après, comme je te disais, j'ai fait la prépa avant. Et ça commence très largement depuis la prépa. C'est pas beaucoup, non, c'est vrai. Ouais, ça fait une expérience, quoi. Ça fait une expérience. Tu l'as fait Enfin, du coup, j'ai fait 6 mois, puis après, enfin, un peu moins de 6 mois en distanciel, et j'ai quitté au bout d'un an, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter pour terminer? Un truc qu'on n'a pas dit, que tu as envie de pointer, ou ça va rester pour la postérité, hein? Bah, moi, j'ai envie de dire faudra qu'on fasse des actions pour leur apporter des discours différents, quoi, au sein des écoles. Ça me paraît une stratégie qui pourrait un peu marcher. On te laissera pas rentrer? Non, pas forcément à l'intérieur de l'école, mais je sais pas, faudrait arriver à leur parler d'une certaine manière. Et en plus, je discutais de ça avec des camarades il y a pas longtemps, c'est pas forcément grave si on arrive à apporter quelques tracts, à discuter, à être dans une confrontation, et ça peut être justement cet élément qui, pour les gens qui étaient un peu comme moi à l'époque, dans un entre-deux, se dire, ah oui, il y a un problème, quoi. C'est peut-être pas normal. Et justement, si ces gens-là deviennent un peu plus radicales, bah, peut-être que ça engendrera d'autres gens, une prise de conscience, et ainsi de suite. Des fois, les petites choses, c'est comme moi, la première fois que j'ai poussé la porte de la librairie anarchiste, ça tenait à pas grand-chose, quoi. Ils auraient fermé ce jour-là, bah, je serais peut-être pas devenu anarchiste. ouais, c'est clair, si on regarde les choses comme ça... C'est clair. Mais en tout cas, ce que ça raconte, c'est qu'on sort un peu de l'entre-soi aussi. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Comprends quand je dis ça. C'est-à-dire que tu te dis, toi, que tu es anarchiste. Et puis, comment on appellerait les autres? Des industriels capitalistes? Comment tu les définis? Tu parles des étudiants, ouais, ou tu parles des entreprises? C'est pareil, hein, c'est les mêmes. C'est pas faux. Mais... ouais, je sais pas. Enfin, c'est... Moi, je parlerais d'élite bourgeoise si je voulais mettre un terme dessus, quoi. C'est l'élite, elle est vraiment là. Et l'idée, c'est d'aller les rencontrer et de distribuer des tracts et de se confronter un peu aux idées, tout ça. C'est ça, hein. Bon, si on imagine quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que si on voulait faire en sorte que les ingénieurs changent, pour moi, c'est un peu le genre d'action qu'on pourrait faire. Après, est-ce que c'est franchement notre priorité? Je suis pas du tout sûr. On rigole, on imagine. Et quoi? Et donc, moi, pour simplifier l'idée, ce serait toi anarchiste ou vous anarchiste contre le capitalisme, en gros. Ah bah ça, de toute façon, on sera jamais d'accord. Entre les anarchistes et le capitaliste, oui, ça sera toujours. Ouais, ce serait ça la confrontation et quoi? Tu comprends pas ce que je veux dire? Je vois pas où tu veux en venir, non. Ben, on imagine, toi tu étais dans la machine bureaucratique, industrielle, capitale, militaire, tu vois? Ouais. Tu as décidé de te retirer de ça, d'accord? Eux, ils sont toujours dedans. Et puis maintenant, on s'imagine, mais tiens, tu sais, sinon on reste toujours dans l'entre-soi, où on est convaincu, ici on est plus ou moins convaincus tous de la même chose. Mais ce qui est génial, c'est d'aller se confronter à ceux qui ne pensent pas la même chose. T'es d'accord quand même avec moi, non? Ah, moi c'est pas une confrontation, c'est une propagande. C'est faire la propagande inverse des entreprises qu'elles font là-bas. Mais je veux dire, j'attends pas à ce qu'ils me convainquent à leurs idées, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, mon seul désir, c'est d'aller faire la propagande inverse de ce que les entreprises font là-bas, quoi. Ou l'État. T'appelles ça de la propagande, vraiment? Ben, c'est la propagande dans le sens, ce que moi je fais ou ce que eux ils font. T'as l'air de dire que c'est les deux, quoi. Pour moi, la propagande, c'est comment dire, c'est envoyer ses idées, enfin, genre faire le, comment dire. J'allais dire faire la propagande, mais du coup ça veut rien dire. Faire l'apologie de ses idéaux et de les amener au plus de monde possible et que ça convainque et ça rentre. Enfin, que les gens y adhèrent, quoi. Donc, du coup, je veux dire, les entreprises le font, par exemple, typiquement quand on a des cours pour nous expliquer à quel point c'est bien la RSE et comment ça marche et pourquoi il faut en faire. Pour moi, c'est de la propagande. C'est de la propagande économique sur. à quel point le système, ou pareil, sur la Startup Nation, quand ils nous, enfin, sur les startups et comment ils nous expliquent que c'est un modèle économique qui est trop chouette, qui est trop bien, et machin, c'est de la propagande. Quand ils nous expliquent à quel point les méthodes de management ultra autoritaires, c'est trop bien et qu'il faut être comme ça, et qu'il y a des gens qui sont des leaders charismatiques et que c'est et que c'est trop chouette et que c'est pas grave si franchement c'est des salauds au niveau management parce qu'ils ont une idée et que c'est ouf, c'est de la propagande. Et toi qui proposerais tout l'inverse, c'est de la propagande aussi. C'est de la propagande aussi. Ah, c'est rigolo comment tu... Ah ouais. Moi j'avais envie de dire oui, c'est une manière de concevoir le monde, quoi. C'est une manière de réguler les relations entre les humains, c'est une manière de se coordonner, c'est une manière de s'organiser. Enfin, tu vois, c'est ça la politique. Mais je ne l'appellerais pas propagande. Pour moi, ce que j'appelle propagande, c'est des informations qu'on te lance qui sont complètement fausses d'une certaine réalité, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, t'allume la télé, on te montre la réalité qui est complètement l'inverse de ce qui s'est passé en vrai, quoi. Tu vois, pour moi, c'est ça de la propagande. Tu vois comment on parle déjà pas du même mot qui veut dire la même chose, quoi. Oui, non, pour moi, propagande, c'est un mot beaucoup plus noble. Et ce que tu décris, c'est un outil de la propagande, mais qui est fallacieux et dans lequel, moi, j'adhère pas du tout. Si on commence à mentir pour faire de la propagande, pour moi, c'est pas une bonne propagande. Mais, enfin, elle peut être efficace, mais, c'est juste, moi je fais une différence entre des moments où je vais être dans la propagande et donc là le but c'est de partager mes idées et de vraiment essayer de convaincre, à des moments où, comme par exemple des fois ici, on peut être plus dans un échange et je suis beaucoup plus ouvert à justement réfléchir sur mes propres idées, évoluer et on va, ça va pas être les mêmes actions en fait. Si je fais un tract ou une affiche, je ne m'attends pas à ce que la rue me renvoie d'autres idées. Par contre, si je fais un débat, bah là, je suis prêt à changer et je vais évoluer. Dans ça, je suis plus proche de la politique, alors que si je fais un tract ou une affiche, je suis plus proche de la propagande, quoi, de l'action, d'exprimer mes idées et de convaincre les gens. D'accord. Moi, je continue le fil, hein. Et donc, les étudiants qui sont dans leur... que tu as connu, qui sont dans le monde économique capitaliste, et toi maintenant qui n'es plus dedans, d'accord ? Alors on s'en fout comment on l'appelle, propagande ou pas, mais vous n'avez pas du tout la même vision du monde, quoi, si je comprends bien, quand même, quoi. Parce que c'est quand même une certaine vision du monde, c'est quand même le partage de la richesse, c'est quand même une manière de s'organiser, de comment on fait collectivement, comment on fait individuellement. C'est vraiment des vraies questions, ça, quoi. Tu as déjà pensé à tout ça ou bien tu te dis oui, non, moi je sais que je suis pas capitaliste, mais anarchiste et puis basta, quoi. non, moi je travaille au sein de collectifs, on s'auto-organise, on s'auto-gère, on fait des trucs, on monte des outils de production ensemble. Enfin, non, il y a une démarche qui est beaucoup plus globale. On fait de la propagande ensemble, on fait des tas de trucs. Donc on est dans la construction d'autres choses et d'une autre société, et c'est concret, c'est pas juste des débats politiques. L'idée c'était d'aller les rencontrer, j'invente, hein, je dis ça pour d'aller rencontrer tes anciens et camarades étudiants là et d'aller se confronter au capitalisme qui sont occupés à étudier en classe, à créer des drones comme tu dis et des choses comme ça, tu vois, d'aller les rencontrer, distribuer des flyers par exemple, tu vois, de se confronter à eux, quoi. Tu sais, pour pas rester toujours dans l'entre-soi, les gens qui pensent la même chose, mais d'aller vraiment se confronter à... Bah après, comme je disais, clairement, moi, en tant que militant, c'est pas ma priorité. Et si je veux faire de l'éduc pop, j'irai pas forcément dans ces gens-là et dans ces milieux-là. Ils sont condamnés, quoi. Non, c'est même pas qu'ils sont condamnés, mais c'est que c'est... Enfin, comme je disais, moi, je m'inscris sur des dynamiques où on est assez ancré localement, et notre but, c'est aussi, entre autres, d'essayer de monter des outils de production pour sortir du capitalisme et justement monter des projets où on produit nous-mêmes des objets pour, je sais pas, des savons, de la nourriture, etc. Pour sortir directement maintenant du capitalisme, au moins sur ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. Et mon but, c'est plutôt de trouver des gens pour travailler avec nous sur ces questions-là, plutôt que... Mais on a des camarades, on en discutait hier, qui ont fait ce genre d'action, justement, pour l'antimilitarisme et justement essayer de faire en sorte que les grandes entreprises puissent moins recruter des gens, etc., etc. Ces actions, elles sont nécessaires, elles sont bien, elles sont chouettes. Après, pour sortir de l'entre-soi... Oui, c'était ça plutôt ce que je voulais dire, quoi. Pour sortir de l'entre-soi, aller se confronter vraiment à quelque chose, tu vois. Ouais, enfin... Je sais pas, j'ai toujours... C'est pas que j'ai du mal avec cette question-là, mais... Déjà, j'ai pas forcément l'impression d'être dans l'entre-soi, moi, personnellement, parce que, effectivement, je suis dans des groupes affinitaires politiques, mais du reste, j'ai aussi une vie en dehors de cette vie-là. Et puis après, bah, mon but, c'est plus de comment ça s'appelle, justement, de faire de la propagande, et donc d'aller cibler des gens qui sont potentiellement, enfin, qui pourraient justement être, comment dire, adhérer aux idées, donc c'est d'aller chercher pas si différents et de pouvoir... trouver des nouveaux camarades, quoi. C'est donc forcément on va rester un peu dans l'entre-soi, tu me diras. Mais... oui, ce que je comprends, c'est que le système il est là et il faut le casser, quoi. Tu vois, il faut le casser, ce système. Mais toi, t'as l'air plutôt métégène en même temps. T'as une vie à faire. C'est pas si facile que ça non plus. C'est comme si tu te disais, ben oui, moi dans ce capitalisme, ben je peux faire du savon, je peux fabriquer des choses par moi-même, par nous-mêmes, et de créer un groupe comme ça qui est capable de faire ça. Il n'y a pas de véritable combat pour... Tu vois un peu l'idée Ouais, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, c'est un vrai projet révolutionnaire, dans le sens où le but, c'est de s'auto-organiser maintenant, dès maintenant, de créer des structures qui soient capables de, si jamais le capitalisme a un moment du mal, de pouvoir prendre dessus. Tu crois qu'il va tomber tout seul ? Je crois pas qu'il va tomber tout seul, mais je crois pas non plus que juste en parlant de politique, il va tomber tout seul non plus, et je pense pas non plus qu'il faut juste détruire, en fait. Il faut détruire et construire en même temps. Et nous, c'est ce qu'on fait. On a des actions politiques, on va rejoindre d'autres groupes qui vont faire d'autres actions politiques, et on construit aussi, actuellement. Et je veux dire, on est dans une logique d'essayer de se fédérer avec les autres projets qui peuvent être pareils, de créer du lien, de créer des liens solides qui durent. Non, c'est beaucoup plus complet que simplement on produit nos petits savons dans le coin. Bah aussi d'aller saboter, tu vois ce que je veux dire, d'aller créer du remous, c'est une manière de parler à tes anciens potes ingénieurs, étudiants, tu vois ce que je veux dire, d'aller, comme on parlait un peu, mais t'étais pas là ce matin, d'être pas simplement dans la pensée, mais aussi dans l'action, quoi, dans l'action, et pas faire que du savon, je te titille, hein. Mais aussi d'aller... d'aller secouer, d'aller créer des remous, d'aller s'imposer à des réunions, il faut pas... Tu vois ce que je veux dire ? Bah ouais, pour moi, les deux sont complètement nécessaires, en fait. On peut pas être non plus juste dans la contestation et puis après rentrer dans son supermarché et acheter ses courses à Lidl. Ça a aucun sens aussi. Donc non, pour moi, les deux, elles sont complètement nécessaires. Et le troisième volet, pour moi, c'est vraiment aussi se fédérer avec les autres copains et... ou copain et voilà, et faire des liens et créer en fait des structures solides de lutte pour être dans une transversalité des luttes et pouvoir aider et avancer sur tous les sujets, quoi. T'as quel âge, toi? Là, j'ai 25 ans. Ok, on termine là-dessus. Ouais, c'est ça. Merci à toi, hein. Merci beaucoup.